Tentacolo, divalette, bandite là, arrivé sur la base. Futur, la tiroloise, tentacolo, fusillé, un patron, permuteur, le but est dangereux. La zone est à feu, sur la partie des fois du feu. Encore un verre de tâche pour la haute, il est pas fait, il y a de la mort. Tu subis un patron vers l'enfer. Je m'en devais au fond du lit, plus penser à la vie. Pour te remettre en flanc, tu dois être battant. Tu subis un patron vers l'étincelle.